Madame. Madame. Sire, il faut que vous ayez pour moi bien peu d'affection pour prendre à partie publiquement une personne de ma famille. Bon, madame, j'implore votre pardon, quoique impardonnable. C'est la faute de la chasse. J'éprouve une telle passion pour cet exercice que j'en oublie les formes convenables à mon affectueuse tendresse.